pas dans ma ville, seul je t'élimine. Demande à mes ennemis comment je suis nos limites. Demande leur, je vise toujours dans le mille. Ok, j'ai mis, je mise la mise, ma S me pile sur Face, sur Twitter.